بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc on continue notre درس أصول السنة للإمام أحمد et on est arrivé au 15e point celui dans lequel l'imam Ahmed dit « وَأَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ رَأَى رَبَّهُ فَإِنَّهُ مَأْثُورٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَحِيحٌ رَوَاهُ قَتَادَ عَنْ عِكْرِمَةِ » عِكْرِمَةِ عن ابن عباس رواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رواه علي ابن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة لكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحد نعم. Donc qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie que l'imam Ahmed dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça a été rapporté selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique. Et ça a été rapporté par Qatada, selon Ikrima, selon Ibn Abbas. Et aussi par Al-Hakam ibn Abban, selon Ikrima, selon Ibn Abbas. Et également par Ali ibn Zayd. Selon Yusuf ibn Mihran, selon Ibn Abbas. Et il dit que le hadith est dans son sens apparent pour nous. Comme il est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'en discuter, est une bid'a, et on doit y croire comme il est venu. Nu'minu bihi kama ja'a ala zahirihi, wa la nunaziru. On croit comme il est venu, dans son sens apparent, et on ne débat avec personne à son sujet. D'accord? Et parmi les notes qui ont été mises au sujet de cette question, le cheikh il mentionne, il dit, هذا صحيح, le cheikh il dit, هذا صحيح, قد صح عنه رضي الله عنه خلافه. فقال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال فرآه بفؤاده مرتين. نعم ولم يصح عن ابن عباس رضي الله عنه انه صرح بالرؤيه البصريه بل اطلق الرؤيه في بعض الروايات عنه في بعضها قيدها برؤيه الفؤاد كما في الاثر الاخير هنا. Donc le chef il explique quelques notes, mais avant de commencer à expliquer ça, on doit clarifier un point ici, c'est que au sujet du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala, il y a trois positions parmi les ulama. La première position, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, la première position, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur. Et qu'il a vu, ou qu'il a vu de la lumière. La deuxième, c'est qu'il ne l'a pas vu du tout. Et la troisième position, c'est qu'il l'a vu réellement dans cette lumière. Donc, ça, c'est trois positions différentes. Selon les ulama, et celle qui est la plus authentique et celle qui est supportée par les preuves, c'est la première, qu'il a vu Allah subhanahu wa ta'ala une vision dans son cœur et qu'il a vu de la lumière, comme ça a été rapporté dans les hadiths. Donc le chef justement qui donne les notes au sujet de la parole de l'imam Ahmad ici, il dit que ça c'est authentique et ça et il a été rapporté par Ibn Abbas aussi que lorsqu'il a mentionné le verset, son cœur n'a pas démenti ce qu'il a vu ou il l'a vu à une autre occasion. Ibn Abbas a dit il l'a vu avec son cœur deux fois en parlant de ces deux versets-là, les deux versets qui sont dans Surat al-Najm, c'est-à-dire 11 et 12, les versets 11 et 12. Il a parlé de ça, donc Ibn Abbas dit, ça c'est rapporté dans le Sahih Muslim, hein, et il a dit qu'il l'a vu par son cœur deux fois, il a vu Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur. Et après le chef il dit, et il n'est pas authentique, que ce qui a été rapporté selon Ibn Abbas n'est pas authentique au sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait vu avec ses yeux dans cette dunya. Naam. Et ça a été limité par une vision, mais une vision dans son cœur, qu'il a vu. Et comme on sait, la vision d'un prophète, c'est véridique. Ru'yatul anbiya haqq. Les visions que les prophètes peuvent voir, eh bien, c'est véridique. Et l'imam Al-Hafiz ibn Hajar il dit, قال Al-Hafiz ibn Hajar, رحمه الله, on sait que Ibn Hajar Al-Asqalani c'est un des derniers parmi les plus grands hadiths, les plus grands savants de hadith. Hein? Et Sheikh Al-Albani il a dit, il n'y a pas eu après Ibn Hajar Al-Asqalani plus grand que lui. Hein? Donc Ibn Hajar c'est celui qui a fait le sharh de Sahih al-Bukhari. Ibn Hajar Al-Asqalani. Je veux dire, c'est un Ash'ari. Non. Ibn Hajar al-Asqalani fait partie des ulama de Ahl al-Sunnah. Même si, dans son sharh, il a fait le ta'wil de certaines des attributs, peut-être. Par contre, en général, il a toujours défendu et supporté la position des salafs. Et, il n'était pas Ash'ari sur tous les points. On dit aussi bien des ulama comme Ibn Hajar et d'autres, comme al-Nawawi aussi, que, yani, alhamdoulilah, ils ont été parmi les grands ulama d'Ahl al-Sunnah et ils ont fait des erreurs de shihad dans certaines questions de aqidah et yani, ils ont fait leur possible pour trouver la vérité. Et la preuve qu'ils n'ont pas été asha'ira, c'est que dans plusieurs points de la croyance des asha'ira, ils les ont réfutés. Donc, alhamdoulilah, rabbil alamin, yani, les gens de... Oui, c'est ça. Donc, Ibn Hajar, il dit, rahimahullah, yani, c'est au sujet des grands savants de ce genre, comme Ibn Hajar et al-Nawawi, qu'on dit que lorsqu'ils font une erreur, on le compare, on regarde les bonnes actions qu'ils ont faites, et on regarde leur niveau de croyance, leur niveau de piété, leur niveau de ilm, et tout le bien qu'ils ont amené dans leur livre et tout, et on compare ça avec les erreurs qu'ils ont faites, et on réalise que yani, le bien qu'ils ont amené, l'ilm qu'ils avaient et la piété qu'ils ont atteint, eh bien ça, Inch'Allah, va être une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les erreurs qu'ils ont fait, Inch'Allah. D'accord? Donc, il dit Ibn Hajar, rahimahullah, « جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها على مقيدها. » Donc, il dit qu'il y a eu des rapports qui ont été rapportés selon Ibn Abbas, qui ont été rapportés de façon générale, pas spécifiques. Il y en a d'autres qui ont été rapportés qui viennent restreindre la compréhension, donc, et qui viennent clarifier une compréhension de façon plus précise. Et donc, les choses il faut prendre les choses qui ont été plus générales et les ramener aux citations qui sont plus spécifiques, dans le but de les comprendre plus clairement. ويقول أيضا يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله على الدوام. Donc il dit que, parce qu'il y a une narration de Aïcha, qu'on va citer, lorsque quelqu'un a demandé, je vais le lire tout de suite, c'est le hadith de Abi Dharr, lorsqu'il a demandé, « Sa'altu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه رواه مسلم. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abi Dharr qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as vu ton Seigneur? Il a dit, il y a eu de la lumière, alors comment aurais-tu le voir, hein? Et dans un autre hadith également, dans lequel il dit d'une autre façon, que quelqu'un a demandé à Aïcha est-ce qu'il avait vu Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu Allah subhanahu wa ta'ala, et elle avait répondu que non, il ne l'avait pas vu, et puis là il dit ici wa hadha الحديث يخالف حديث عائشة من جهه اخرى فان فيه انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لقد راه نزله اخرى فقال انما هو جبريل نعم فسبحان الله لا اله الا هو اتكا ريكونتينيو ici et puis on va comprendre par la suite plus en détail. قال شيخنا في التعليق على حديث ابن عباس في رؤيه الفؤاد قلت هذا ما قوله موقوفا نعم دونك وبفنير. Et pour clarifier l'affaire, c'est que Ibn Abbas a affirmé qu'il avait vu avec son cœur. Et Aïcha a nié qu'il l'avait vu. Donc, on peut arriver à raccorder ces deux hadiths-là qui paraissent être contradictoires en disant que ce que Ibn Abbas a affirmé, c'est la vision du cœur, et ce que Aïcha a nié, c'est la vision visuelle avec les yeux dans cette lumière. D'accord? Donc il n'y a pas réellement une contradiction, c'est une contradiction qui peut être en apparence, mais en réalité quand on comprend qu'il n'y en a pas de contradiction en réalité. Et c'est ça que le cheikh essaie d'expliquer. Il dit quand le cheikh fait ta'liq ala hadith ibn Abbas fi ru'yat al-fu'ad, qultu hadha ma'a kawnihi mawqufan, fa inna mafhumuhu annahu, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, annahu lam yarahu bi'aynihi. فلا يخالف حديث عائشة في باب الذي صرحت فيه بنفيها الرؤية لأنها تعني رؤية العين ومثله حديث أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أن أراه رواه مسلم نعم هذا الحديث يخالف حديث عائشة من جهة أخرى فإن فيه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لقد رآه نزلة أخرى فقال إنما هو جبريل عليه السلام ومما شك فيه أن المرفوع مقدم على وإن مما لا شك فيه أن المرفوع مقدم على الموقوف نعم. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Le cheikh explique il dit que le hadith d'Ibn Abbas au sujet de la vision du cœur, le cheikh il dit en commentant ce hadith-là, il dit que c'est un hadith qui est mawkouf. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et mawkouf, qu'est-ce que ça signifie? Mawkouf, ça signifie que c'est un hadith qui a été rapporté par un sahabi, mais c'est une parole d'un sahabi, il n'a pas été attribué au prophète. Alors, cette parole-là n'a pas été mawkouf. Elle a été attribuée à un compagnon, pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, il dit que c'est une parole d'un sahabi, فَإِنَّ مَفْهُمَهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَاهُ بِعَيْنِهِ. Donc, on comprend par cette parole d'Ibn Abbas qu'il ne l'a pas vu avec ses yeux. Et il ne contredit pas le hadith d'Aïcha, dans lequel elle a nié clairement qu'il l'ait vu, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'elle parle de la vision avec les yeux. Et de même, le hadith de Abi Dharr qu'on a mentionné tout à l'heure. Mais le chef dit oui, par contre, le hadith est en contradiction avec une autre version, ou un autre hadith de Aïcha, dans lequel elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la qadraha ou nazlatan ukhra, et il l'a vu dans une autre occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce verset-là, dans Surat al-Najm, et فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ. C'est-à-dire que de qui la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans cette autre occasion-là, c'était Jibril. Et l'explication de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Jibril dans sa vraie forme, excepté deux fois. Il l'a vu sous une autre forme, mais il l'a uniquement vu sous sa forme réelle, deux fois, et il a dit qu'il avait 600 ailes, et qu'une seule de ses ailes pouvait couvrir le ciel et la terre. Donc c'est ce fait de ça que, à ce sujet-là, que ce verset-là, parlerait, hein, pas de Allah subhanahu wa ta'ala. Puis là, après, le cheikh, il mentionne les paroles du cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et il dit, قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وقد صح عنه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي تبارك وتعالى ولكن لم يكن هذا في الإسراء ولكن كان في المدينة لما احتبس ثم أخبرهم عن رؤية الله تعالى تلك الليلة لمنامه وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال نعم رآه حقا فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد ولكن لم يقل أحمد رحمه الله أنه رآه بعيني رأسه يقظة ومن حكى عنه ذلك فقد وهم نعم فقد وهم عليه ولكن قال مرة رآه ومرة قال رآه بفؤاده فحكيت عنه فحكيت عنه روايتان وحكيت عنه ثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه وهو نصوص وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك نعم donc pour résumer les paroles de l'imam Ahmed au sujet de la parole pour résumer les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah au sujet des paroles de l'imam Ahmed il dit que l'imam Ahmad n'a jamais voulu dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala avec ses deux yeux, mais plutôt qu'il a vu avec son cœur. Et le chef, il explique en réalité que ceux qui pensent que l'imam Ahmad a voulu dire qu'il l'a vu avec ses deux yeux, il a commis une erreur. D'accord? Et ça, c'est apporté dans Majmu' al-Fatawa, le volume 6, la page 509, si quelqu'un devait retourner pour avoir plus de compréhension. Et le cheikh dit Azidu huna fa'akulu inna mas'alata ru'yati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li rabbihi fi al-Isra' wa al-Mi'raj min al-masa'il allati yasa'u fiha al-khilaf wa qad wasa'a ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum ajma'in. Donc il dit que bon, il y a eu des différences d'opinion commencées à ce sujet-là entre les sahaba. Donc ça c'est une des questions sur lesquelles il y a eu une différence d'opinion entre les salafs. Donc sachez cette chose-là et soyez-en prévenus. Par contre, prenez garde aux soufis qui prétendent qu'ils voient Allah subhanahu wa ta'ala yani, comme ils veulent. Yani. Hein, ils prétendent qu'ils le voient et que Allah leur apparaît et toutes sortes de choses de ce genre. C'est des choses qui sont très connues chez les soufis. Le cheikh il dit par la suite, le point numéro 16, donc on l'a en avance. Le cheikh il dit وَالْإِيمَانُ بِالْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا جَاءَ يُوزَنُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا يَزِنُ جُنَاحَ بَعُوضَةِ وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد عن ذلك وترك مجادلته. Donc le cheikh ici, l'imam Ahmad, il dit qu'il est obligatoire de croire en la balance au jugement dernier. Comme ça a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon نعم صح متفق عليه سيأتي رابطه بار البخاري المسلم سلام أبو هريرة رضي الله عنه الشيخ الحديث الذي إنه لا يأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم donc il faut croire obligatoirement à la balance au jugement dernier comme ça a été rapporté dans le hadith que un homme arrivera au jugement dernier, un grand homme, très gros et très gras, et il viendra au jugement dernier et on va le peser sur la balance et il ne pèsera pas pour Allah il ne pèsera même pas le poids de l'aile d'un moustique. Janah Abaouda. Quelqu'un de très gras, très grand, très gros. Et il va être sur la balance et il ne pèsera même pas l'aile d'un moustique. Ça veut dire que ce jour-là, ce ne sera pas une balance comme on connaît dans les balances de la dunya. Ce sera une autre balance qui pèse autre chose que le poids de notre corps, mais qui pèse en réalité notre foi et nos actions. D'accord? Et voilà, il a dit, Abu Huraira, il a dit lorsqu'il a mentionné ça, et lisez, si vous voulez, le verset dans Surah Al-Kahf, le verset 15, et nous ne lui donnerons aucun poids au jugement dernier. Ok? Pour expliquer l'explication de ce verset. Et lorsqu'on réfléchit à ça aussi, il y a un des Sahaba, si je ne me trompe pas, c'était Abu Huraira ou Ibn Mas'ud, un des deux, qui avait des jambes très très fines. Il avait des jambes très très fines. Et les Sahaba se moquaient de ses jambes parce qu'il était très mince. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens qui se moquaient de lui, il a dit, est-ce que vous moquez de la minceur de ses jambes? Il dit ne vous moquez pas parce que dans la balance, il pèse plus que la montagne de Uhud ou quelque chose comme ça. Donc ça voulait dire que c'est pas une question de poids dans cette dunya qui va faire la différence ou qui va être une référence pour nous juger ou nous peser dans l'au-delà, mais c'est plutôt nos œuvres et notre foi et à nous qui va faire la différence. Et dans un autre athar qui a été rapporté, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala va peser les actions de ses serviteurs au jugement dernier. D'accord? Et la foi en cette chose-là est obligatoire, c'est obligatoire d'y croire, et de s'en détourner, de se détourner de la personne qui rejette cette chose-là. Hein? Celui qui dit, qui refuse d'y croire et qui veut discuter à ce sujet-là. Parce que parmi les gens de Bid'a, il y a les Mu'tazila qui ont nié la foi en Al-Mizan. Et leur argument, c'est un argument qu'ils prétendent être rationnel, qu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'une balance parce que celui qui a besoin d'une balance, c'est le marchand le vendeur de riz ou le vendeur de choses là, qui va peser les marchandises, mais eux ils disent Allah n'a pas besoin d'une balance, alors pourquoi il aurait une balance? Et ça c'est un argument subtil, yani, lorsqu'on sait que quelque chose est prouvé par le Coran et la Sunna, il n'y a pas de raisonnement possible pour venir essayer de remettre en question les informations qui nous sont venues d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les preuves de Al-Mizan, de la balance, il y a le verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Ça veut dire dans Sourate Al-Anbiya, le verset 47, et on va ramener les balances exactes au jugement, au jour du jugement dernier, au jour de la résurrection. Et aucun âme ne sera lésée, hein? Aucun âme ne sera lésée, ne plus que du poids d'une graine de moutarde. Hein? Aucune âme ne sera lésée ce jour-là. Même si c'était le poids d'une graine de moutarde, nous allons la ramener. Et nous sommes suffisants, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant comme calculeur ou compteur. Hein? C'est lui qui compte, il sait compter très bien les actions de ses serviteurs et toutes choses. Donc, il y a ça comme preuve. Et il y a également un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ma min shay'in yuda'u fil mizan afqal min husn al-khuluq » Ça c'est un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a rien qu'on met dans la balance au jugement dernier qui sera plus lourd que le bon caractère, le bon comportement. Husnul khuluq. Donc la personne qui a le bon comportement, bon caractère, hein, noble, noblesse de caractère, ce sera la chose la plus lourde pour elle qu'elle aura à mettre dans sa balance au jugement dernier. D'accord ? Ça c'est rapporté dans, il a été authentifié dans As-Sahih al-Jami'a, et dans Sulat al-Ahadith al-Sahiha par le Cheikh al-Jami'a. Et il y a un autre hadith également qui prouve la balance au jugement dernier, et c'est un hadith qui dit Kalimatan, Habibatan ila Rahman, Khafifatan ala Nisan, Kapilatan fil Mizan, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim. C'est rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Abi Huraira, et ça dit il y a deux paroles qui sont aimées pour Ar-Rahman, c'est-à-dire Allah SWT les aime, ces deux paroles-là. Elles sont légères pour la langue, c'est-à-dire elles sont faciles à prononcer, faciles à dire, faciles à prononcer. Taqilatan et Tilmizan, et elles sont très lourdes dans la balance. Hein, c'est donc la, le témoin, là, c'est dans, et lorsqu'il dit qu'elles sont lourdes dans la balance, ça c'est la preuve. Et ces deux mots-là, c'est quoi? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Donc, il faut en profiter et répéter ça le plus souvent qu'on en est capable. D'accord? Donc, ça c'est la parole au sujet de al-Yuzan. Donc, ça, sachez que ça, si l'imam Ahmad a mentionné ça parmi les usul, la sunna, ça veut dire que ça fait partie des fondements de la sunna, et c'est une des choses qui distingue les gens de la bid'a et les gens de l'ahl-sunna. Le cheikh, il dit, par la suite, un autre aspect de usul sunna, c'est que, il dit, wa anna Allah ta'ala yukallimu al-ibada yawm al-qiyamah, laysa baynahum wa baynahu tarjuman, والإيمان به والتصديق به. Donc, Cheikh il dit que parmi les articles de Usul Sunna, le fondement de la Sunna, que Allah subhanahu wa ta'ala parlera à ses serviteurs au jour de la résurrection, sans qu'il y ait entre eux et lui un traducteur. Et il faut croire en ça. Hein? Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala va parler à ses serviteurs, et il n'y aura pas de traducteurs entre eux et lui. Et il faut croire en ça. Et ça a été prouvé par des hadiths. Et par exemple, le cheikh il dit, « Wa hadith mutafaqun alayh, awaluhu ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allah yawm al-qiyama laysa baynahu wa baynahu turjuman » rawahu al-Bukhari wa Muslim selon Adi ibn Hatim. Il n'y a personne d'entre vous, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala lui parlera au jour de la résurrection, sans qu'il n'y ait entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala un traducteur. C'est un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari au Muslim, selon Ali ibn Hakim. Et ça, c'est une preuve de ce point-là. Maintenant, le point numéro 10. On va pas, on n'a pas besoin d'élaborer plus au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on a déjà fait ça. Dans un cours précédent, on a parlé de ce sujet-là. Donc, on a déjà mentionné toutes les questions qui se rapportent à ça. Donc, on peut passer tout de suite au prochain point. Cheikh dit, والإمام بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته وعرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. Donc, un des points de Usul Sunnah, c'est qu'on doit croire en Al-Hawd. Et Al-Hawd, c'est quoi? C'est un grand bassin rempli d'un breuvage que les croyants boiront le breuvage de ce breuvage au jugement dernier. Et lorsqu'ils en auront bu, ils n'auront plus jamais soif. Donc, la description de ce bassin, selon les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bassin qui est au jugement dernier, hein, au jour de la résurrection, qui sera présenté à sa Ummah. Et chaque prophète a son bassin pour sa Ummah. D'accord? Et la largeur et la longueur, la largeur est égale à, la, à sa largeur. Et c'est la longueur de, c'est la distance d'un mois. Donc, c'est ça qui est écrit dans le hadith, c'est la distance d'un mois qui, c'est pas, qui est, c'est-à-dire la longueur et la largeur, et la distance d'un mois. Et, أَنِيَتُهُ كَعَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ Les contenants ou les verres dans lesquels on boit, pour, qu'on utilise pour boire de ce, de ce, de ce bassin-là, est aussi nombreux que les étoiles dans le, sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Comme ça a été rapporté authentiquement dans les hadiths, de plusieurs façons. Et le cheikh, il mentionne, le cheikh qui fait les commentaires, il mentionne là-dessus plusieurs preuves et il dit, قَالَ تَعَالَى إِنَّ أَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ Et ça, c'est le verset de, dans Surat al-Kawthar. Et al-Kawthar, une des explications des ulama, c'est que c'est al-Hawd. Hein? Al-Kawthar, c'est al-Hawd. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes, nous t'avons donné al-Kawthar. Hein? C'est-à-dire, le, ce bassin. Et, فيه أحاديث صحيحة متواترة منها قوله عليه الصلاة والسلام حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من من يشرب منه فلا يظمأ أبدا Ça veut dire quoi? Ça veut dire mon bassin est de la longueur d'un mois et la, de même que sa largeur. Et son eau, son, son breuvage, son liquide est plus blanc que le lait et à l'odeur du mus et plus et a une meilleure odeur que le mus. Hein? Et il dit que le nombre de ces contenants ou de ces verres ou de ce qu'on utilise pour boire ce liquide, eh bien, il est plus nombreux que les étoiles dans le ciel, et celui qui en boit n'aura plus jamais soif. Et ça, ça a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon le Sahabi Abdullah ibn Amr, radiallahu anhumah. Donc, ça, c'est les paroles au sujet de cet article-là de la Sunna, qu'il est, et c'est obligatoire de croire aussi à ce point-là. Ensuite, le point numéro 19. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah oui, j'ai oublié, il y a un autre hadith mentionné. Ici, c'est, wa fi hadithi abi zarrin marfu'an, wa alladhi nafsi biyadih, la aniyatuhu, ay al-hawd, aktaru min adad nujum al-sama, wa kawatibuha, wa kawatibuha. Ala, ala fi al-laylati al-muzlima al-mustihiyya. أو المسحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ وفي آخره وآخر ما عليه لم يظمأ آخر ما عليه ويشخب فيه مذابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله بين عمان إلى إلا ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل نعم donc il dit presque la même chose et il dit que son breuvage est plus sucré que le miel et il dit que de plus par rapport à ce qui a été déjà dit c'est que c'est un liquide qui tombe du paradis par deux misables. Vous savez, quand il y a de la pluie, puis il y a une chose qui ramasse la pluie qui, sur le toit, puis qui ça tombe en bas. Un rigole, ouais. Quelque chose comme ça. Il a deux rigoles qui fait tomber ce breuvage dans ce bassin. Et puis celui qui en boit, il n'aura jamais soif. Et puis, il n'aura plus jamais soif par la suite. Et il a dit que c'est entre Amman et Ila, c'est-à-dire, il a donné une distance entre deux villes pour montrer la distance ou la grandeur de ce bassin. Et puis aussi rapporté par l'imam Muslim. Et le chef il mentionne comme commentaire à la suite de ce hadith là que si tu retournes au commentaire qui a été fait au sujet de Al-Tahawi, le livre de la croyance de l'imam Al-Tahawi, les rapports des sahaba à ce sujet là dépassent la quantité de 60 sahabis qui en ont parlé de cet article de la foi. Donc c'est une chose qui a été rapportée de façon mutawatir. Après il dit donc le 19e point c'est quoi? C'est al-iman bi azab al-qabr, la foi au châtiment de la tombe. Naam. Donc ça c'est obligatoire de croire que dans la tombe il y aura un châtiment. Le cheikh dit al-nusus fi azab al-qabr wa na'imuhu mutawatir, كذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه استجيروا بعذاب الله استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. نعم. Donc il dit qu'il y a beaucoup de rapports, beaucoup de textes qui ont été mentionnés pour prouver qu'il y a un châtiment dans la tombe. Parmi les preuves, il y a un hadith authentique qui dit que demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe, car le châtiment de la tombe est véridique. Et il y a également les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire à la fin du tachar de lorsqu'on prie, Allahumma inni a'udhubika min fitnati al-qabr, fitnati al-mahya wal-mamat, fitnati al-dajjal et fitnati al-jahannam. C'est les quatre choses qu'il nous a enseigné de chercher, dont on doit chercher la protection d'Allah contre ces choses-là au jugement dernier. Donc ça prouve également, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça prouve qu'on doit croire qu'il y a un châtiment dans la tombe. Donc, après le chef il dit, le point 20, numéro 20, wa anna hadhihi al-umma tuftanu fi quburiha wa tus'alu 'an al-iman wal-islam ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد الإيمان به والتصديق به. Donc le cheikh il dit que le point numéro 20 dans l'article des fondements de la Sunna, c'est que on sera testé dans notre tombe et que on sera demandé au sujet de notre foi et de l'islam. Et qu'il y a deux anges, Munkar et Nakir, qui seront envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, et ces deux anges-là vont nous demander qui était ton Seigneur, qui était ton messager, et quelle était ta religion. Celui qui était croyant, il va répondre, mon Seigneur c'était Allah, mon prophète c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ma religion c'est l'islam. Tandis que l'hypocrite, il ne pourra pas répondre à chaque fois, qu'on va lui poser la question, il va répondre, il va dire « Ah, ah, je ne sais pas. Ah, ah, la adri. » D'accord. Donc ça, ça a été rapporté par les hadiths authentiques. Non. Et il y a une autre, il y a des preuves de ça, le chef il mentionne quelques-uns, je crois. Il dit « وفي الحديث المتفق عليه أنه أوحي إليه إلي أنكم تفتنون في القبور. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aisha, il a dit on m'a révélé que vous serez testé dans vos tombes. Et il mentionne un autre hadith également qui dit إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. C'est un hadith authentique également, qui est dans As-Sulat al-Hadith al-Sahiha, et le cheikh dit qu'il est Hassan. Donc, le hadith, ça dit quoi? Ça dit, lorsqu'une personne sera enterrée, deux anges vont lui venir, un noir et un, non, les deux sont noirs et bleus. Ça, c'est les couleurs que le prophète Hassan a décrit, dont il a décrit ces anges. Il a dit qu'un d'entre eux s'appelle Al-Munkar, et que l'autre s'appelle Nakir. D'accord? Donc ça c'est pour en ce qui concerne ce point-là. Maintenant, le point numéro 21. Al-Iman bi shafa'at an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa bi qawm yakhrujuna min an-nar ba'dama ihtaraqu wa saru fahman فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به. D'accord. Donc ce 21e point, c'est que nous devons croire en l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un peuple qui sortiront de l'enfer après qu'ils ont été calcinés dans l'enfer. Naam. Et on leur ordonnera de sortir, de se baigner dans une rivière dans le paradis. Et, comme ça a été rapporté dans le hadith, c'est comme si la croûte de brûlée qu'ils avaient sur eux, ils vont en sortir comme une plante sort de sa graine. Quand la plante commence à pousser, elle brise sa coquille et puis elle sort sa pousse, et ben celui-là qui est sorti de l'enfer, tout calciné, il va sortir de cette croûte-là de brûler là, comme une plante sort de sa graine quand elle commence à pousser, et puis ça fait partie des choses qui ont été rapportées là à ce sujet-là, comme c'est mentionné dans les hadiths, et il faut croire en ça. Et ça que le chef dit, il est obligatoire de croire en ça. Et le chef, il dit aussi, il fait des commentaires, le chef qui fait les commentaires, il dit, wal hadith alladhi ashara ilayhi mustafaqun alayhi min hadith Abi Sa'id. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri dans Al-Bukhari et Muslim, c'est un hadith authentique. Et le cheikh il dit, Qala ibn Abi Asim. Ibn Abi Asim, c'est un des ulama qui a écrit le livre As-Sunnah, un des livres de Aqida de Ahl As-Sunnah. Son nom, le nom du livre c'est As-Sunnah. Et il dit, والأخبار التي روينا عن النبي صلى الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت على ما اقتصصنا والصاد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمل لها من أهلها ومن أهلها. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que les choses qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne al-shafa'a, comment Allah sallallahu alayhi wa sallam va lui donner la préférence de l'intercession au jugement dernier, et les gens pour qui il va intercéder et tout ça, c'est rapporté authentiquement selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est réel. Et le cheikh il dit que quiconque refuse les citations et les narrations qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique et par une grande quantité dans ce sujet-là, et qui nous oblige à avoir cette connaissance-là, qui rend cette connaissance-là claire, celui qui nie ça, il est clair, c'est ça que le cheikh dit. Et au sujet de Shafa'a, on en a parlé dans notre darf de Al-Irshad, mais on peut mentionner encore, parce qu'il y a un bénéfice là-dedans, c'est que la Shafa'a, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une intercession qu'on cherche de lui, soit durant sa vie, c'est-à-dire quand il était vivant, les sahaba allaient le voir et demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des du'as pour eux, pour les mu'minines. D'accord? Donc, c'est permis de chercher l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette vie lorsqu'il était en vie. Mais après sa mort, c'est interdit de chercher l'intercession de sa part dans cette dunya. Celui qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam son intercession maintenant alors qu'il est mort dans sa tombe, il a commis un acte de shirk. D'accord? Et de même que quiconque demanderait l'intercession d'un wali ou d'un saint, l'intercession doit être demandée dans cette dunya à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala lui mentionne ça dans le Coran, dans plusieurs versets. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient l'intercession en entier. Hein? Et il y a beaucoup de versets même dans Ayatul Kursi. لا يشفع عنده إلا بإذنه. C'est uniquement par sa permission qu'on peut intercéder auprès de lui. Donc tout ça, c'est les versets, il y en a beaucoup d'autres aussi. Donc il y aura par contre une intercession spéciale au jugement dernier, et ce sera une intercession qui sera uniquement permise au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans cette intercession-là, il va permettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander l'intercession pour ceux qui ont fait des péchés parmi les gens de sa Oumma, qui ont fait des grands péchés, kaba'ir. Donc, ceux-là, qui seront en enfer, eh bien, ils pourront sortir de l'enfer après un certain temps, grâce à cette shafa'a. Mais, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que parmi les gens de Bid'a, il y a eu deux extrêmes. Ceux qui l'ont affirmé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort dans cette dunya, ça c'est comme As-Soufiya. Hein, ceux qui ont affirmé qu'on peut demander l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant en lui demandant directement, et ça c'est des gens qui ont dévié. Et il y a l'autre extrême comme les Khawarij, les Mu'tazila et des gens de ces groupes de bid'a, eux ils ont nié l'intercession parce qu'ils ont dit qu'une fois que tu rentres en enfer, c'est fini, tu ne peux plus sortir. Donc ils n'ont pas voulu accepter cette croyance en Shafa'a. Et ils ont renié à cause de ça les narrations qui ont été rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'intercession dans l'Akhira. Et ils se basent sur certains versets dans le Coran qui disent que فَلَا تَنْفَعُهُ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ. Par exemple, un verset dans le Coran qui dit قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Donc ils utilisent des versets comme ça qui disent par exemple que l'intercession des intercesseurs n'aura aucun bénéfice pour eux, ne sera d'aucune utilité pour eux. Ils se basent sur des versets comme ça, sans retourner aux autres versets qui expliquent ces versets-là. D'accord? Et ça, c'est un exemple qui nous démontre un peu comment ces gens-là, ils cherchent al-mutashabih et qu'ils laissent tomber al-muhkamah. Ils cherchent les versets qui ont un sens équivoque, qui peuvent avoir plus qu'une seule interprétation, et il laisse tomber les versets clairs. Donc, lorsqu'il y a des mutashabihah, des versets qui ne sont pas clairs, il faut les ramener aux autres versets qui les clarifient. Eux, ils ne font pas ça. Et ce qui fait, c'est qu'on pense des gens de la suite là-haut. Oui, le fait de demander, d'envoyer les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose de bien, quelque chose de recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même aussi après le dua, après le azan, il y a un dua qu'on récite, et on demande dans ce dua de donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam al-maqam al-mahmoud, de lui donner la place de gloire au jugement dernier, c'est-à-dire la place où il pourra demander à Allah subhanahu wa ta'ala après s'être prosterné. Une durée de temps que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, et il lui permettra de se relever et de demander l'intercession. Donc ça c'est al-maqam al-mahmoud, et il ne sera donné qu'à un seul parmi les fils d'Adam, et ce sera le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, après le dua, on dit اللهم أعط محمدا اللهم أعط محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ففي حديث يعني في أفاصيل سبيل الدعاء يعني في أفاصيل فوزي أقل أذان Donc c'est bien. Et aussi le fait d'envoyer des salutations sur le prophète, ça c'est quelque chose de bien. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Tout ça c'est des choses qui ont été enseignées et qui sont des bonnes choses pour nous. Hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque envoie un salut sur moi, Allah subhanahu wa ta'ala lui répond 10 fois, yani. Ou il envoie un salut 10 fois, yani. Donc, alhamdulillah, rabbil alameen. Et, par la suite, on continue. Ah oui, donc on a mentionné ça au sujet des gens de là qui ont mis ça. Donc, alhamdulillah, je pense que on peut passer maintenant au point numéro 22. Point numéro 22, le chef dit « والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن » Le chef dit qu'il faut croire que le Messie الدجال va sortir vers la fin des temps et qu'entre ses yeux sera écrit « كافر » et les hadiths qui sont venus à ce sujet-là sont clairs, il faut y croire tel quel, yani. Et le cheikh, il dit, le cheikh qui fait le commentaire, il dit, muttafaqun alayh. Le hadith qui parle du Dajjal, au sujet du fait qu'il va sortir et qu'il sera écrit entre ses yeux, kafir, c'est un hadith authentique, selon, rapporté selon Anas, et beaucoup d'autres. Et dans ce hadith-là, c'est écrit, وَمَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍ إِلَّا أَنْظَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرُ الْكَذَّابُ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ مكتوب بين عينيه كافر. Donc c'est le hadith qu'on a parlé dans le dars de l'Irshad, lorsqu'on a fait le film du jugement dernier. On a parlé de Isa lorsqu'il va revenir et on a parlé du Dajjal. Et c'est le hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, tous les prophètes qu'il a envoyés ont averti leur peuple contre le borne, un homme qui aura juste un seul œil et qui est le grand menteur, c'est-à-dire le Dajjal. Il n'a qu'un seul œil, alors que votre Seigneur a deux yeux, yani. C'est-à-dire, il n'a qu'un seul œil qui fonctionne, yani. Il voit seulement avec un seul œil. Son autre œil est comme un raisin qui flotte dans son orbite, c'est-à-dire, il n'est pas fixe et puis il ne peut pas voir avec. Et entre ses yeux, c'est marqué quatre. Et le signe qu'on a, c'est que, pour le distinguer, c'est que le prophète Rasul a dit, il n'a qu'un soleil, tandis que votre Seigneur n'est pas bon, hein, il n'a pas un soleil. Votre Seigneur n'est pas un roi. Na'am. Et après, le point numéro 23, le chef dit, « وَأَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْزِلُ فَيَقْتُلُهُ فِي بَابِ لُبْدُ » Isa ibn Maryam, il va descendre vers la fin du temps, et il va le tuer, il va tuer le Dajjal à la porte de l'Ud. Ça c'est le point numéro 23. Et l'Ud. L'Ud. Ça c'est le nom de l'endroit où il va le tuer. Wa fi hadith al-Nawah, ça c'est trouvé par un hadith dans Sahih Muslim et beaucoup d'autres. إنه سلوء النواس بن سمعان مرفوعا غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج أنا وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. Donc ça c'est rapporté par Muslim, et ce hadith là il est rapporté par le même Muslim selon An-Nawas ibn Sam'an qui dit, je ne crains rien de plus pour vous que Ad-Dajjal, je crains le Dajjal pour vous plus que tout autre, et s'il sort alors que je suis présent parmi vous, alors je vais pouvoir argumenter contre lui, discuter contre lui pour détruire ses choubouhats. Tandis que s'il sort, alors que je ne suis pas parmi vous, alors chacun de vous est responsable de lui-même pour répondre à ses choubouhats, et Allah subhanahu wa ta'ala est mon successeur pour chaque musulman. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est là, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va veiller sur chaque musulman, chaque croyant. Naam. Donc ça y est pour la question d'Anissa. On va pas élaborer plus puisqu'on en a déjà parlé dans notre dars, dans l'Irshad. الشيخ يقول والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. donc là le chef il arrive à la question de l'Iman. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. donc l'Iman الحمد لله selon أهل السنة والجماعة c'est une parole et une action et elle augmente et elle diminue comme ça a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh l'imam Ahmad il mentionne le hadith le plus parfait parmi les croyants dans sa foi et le meilleur d'entre vous dans son comportement. D'accord? Donc plus une personne a un bon comportement, plus que c'est une preuve que sa foi est plus grande. Et la raison pourquoi le cheikh il mentionne cette question là, c'est parce que il y a des gens de Bid'a qui ont divergé au sujet de l'Iman. Parmi les gens de Bid'a, il y en a qui ont dit que l'Iman, c'est seulement ce qui est dans le cœur. Et les actions et les paroles n'entrent pas dans la définition de la foi. Il y en a d'autres qui ont dit également que la foi, elle n'augmente pas et ne diminue pas. Et il y en a d'autres qui ont dit même que la foi, c'est seulement la connaissance dans le cœur. Donc je vais vous donner des exemples de ça, comme par exemple Al-Jahmiya, Al-Jahm ibn Safwan, il disait, si tu as connu Allah, ça veut dire que tu es croyant. Même si tu ne respectes pas aucune ordre d'Allah, si tu ne fais rien des actes de la foi, pourquoi vous regardez là-bas? Je vois. Ça fait juste 57 minutes. Donc, oui, c'est ça. Ils disent que la connaissance du cœur, c'est ça qui fait la foi. Donc, pour eux, Pharaon était croyant, et Iblis est croyant, et tous les kuffars sont croyants parce qu'ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est parce que c'est des gens qui suivent leur passion, des gens de déviation. Et, il y en a parmi les gens de Bid'a, comme par exemple Al-Murji'a. Al-Murji'a, c'est une autre secte qui a dévié au sujet de la foi. Ces gens-là, ils disent que Al-Iman huwa at-tasdiq. C'est-à-dire, la foi, c'est de dire avec la bouche qu'on est croyant, ou bien juste de reconnaître que Dieu existe. Et de dire que, en l'islam, ça y est, c'est croyant. Même si tu ne crées pas, même si tu ne connais pas, même si tu ne fais aucun acte de foi. Murji'a. Ouais. Donc, ça, c'est une secte qui n'existe pas en tant que groupe actuellement, sauf qu'ils ont existé à une certaine époque, et les ulama de Ahl-Sunnah les ont réfutés par plusieurs preuves du Coran et de la Sunnah. Par exemple, parmi les preuves que l'action et les paroles font partie de la foi, eh ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit الإيمان بدء وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. Donc ça c'est hadith là, dans ce hadith là il y a une preuve que les actions et les paroles font partie de la foi. Par exemple, ce hadith il dit que la foi a 72 branches, ou un nombre spécifique, hein, il a dit 70 et quelques branches, d'accord? Et la plus haute de ces branches, c'est la ilaha illallah, et la plus basse, c'est d'enlever quelque chose qui nuit dans le chemin. Et par la suite, il a dit que la pudeur, la gêne, la timidité, ça fait partie de la foi. Donc, tout ça, c'est des actes, soit qui font partie des paroles, de la parole, comme la ilaha illallah, c'est une parole. Imapatul azar anittariq, enlever quelque chose dans le chemin qui peut blesser quelqu'un ou qui peut nuire aux gens. Ça fait partie de la foi et ça, c'est un acte. Hein? l'autre exemple, Al-Haya, c'est un acte du cœur. Hein, quand quelqu'un a la timidité, il ressent de la pudeur, donc ça c'est quelque chose qui est dans le cœur, donc il y a différents degrés de foi, et c'est ça qui fait la différence. C'est bien entendu vrai que la base de la foi est dans le cœur, parce que c'est là que la croyance se tient, et le prophète sur l'entraîne, il a dit « At-taqwa ha-huna »« At-taqwa ha-huna » il a dit, vous savez, la piété est ici. Et il pointait son cœur lorsqu'il a dit ça. At-taqwa ha-huna, c'est-à-dire la piété est ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ala wa inna fil jasad mudra, idha talahat, talaha al jasad kullu, wa idha fasadat, fasad al jasad kullu, ala wa hiya al qalb. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans le corps, il y a une chose, si elle est bonne, tout le reste du corps sera bon. Et si elle est mauvaise, tout le reste du corps sera mauvais. Et il a dit, certes, c'est le cœur. Donc, ça veut dire que la base de la foi se tient dans le cœur. Ça, c'est vrai, c'est-à-dire à l'imam billah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawm al-akhir, wa bil qadar khayrihi wa sharrih, tout ça, de reconnaître ça dans notre cœur, c'est un acte de foi. Ensuite, par la suite, il y a aussi, parmi parmi les actes du cœur, il y a aussi al-khawf, la crainte, al-raja, l'espoir, al-tawakkul, mettre sa confiance en Allah, al-inaba, de se repentir, d'avoir des remords envers Allah subhanahu wa ta'ala quand on fait un péché, al-mahabba, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est des exemples d'actes d'adoration, mais qui sont dans le cœur. D'accord? Et il y a également, les actes d'adoration qu'on fait avec notre corps, c'est-à-dire as-salat, az-zakat, as-sawm, al-hajj, hein. Tout ça, c'est des actes d'adoration qu'on fait avec notre corps. Ça aussi, c'est partie de la foi. Et, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, liyazdadu imanan ma'a imanihum, pour qu'ils augmentent de la foi à leur foi. C'est la preuve que la foi elle augmente. Et c'est le principe d'Ahl Sunnah wal Jama'a, tout ça. C'est que l'iman yazid wa yankus, elle augmente et elle diminue. Yazid de ta'a wa yankus de ma'asi. La foi elle augmente avec les obéissances et les actes d'adoration qu'on fait, et elle diminue avec les péchés qu'on fait. D'accord? Donc, c'est pas une chose fixe, une chose stable. D'accord? Et les gens qui ont, ouais, qui sont là. Donc, souvent, les salafs, ils disent des fois, al-iman qawlun wa amal. Al-iman qawlun wa amal. Et ils s'arrêtent. Donc, quand ils disent qawlun wa amal comme ça, ça signifie, qawlun lisan wa qawlun qalb, wa amalun qalb wa lisan wa al-jawarih. D'accord? C'est-à-dire, la parole de la langue et du cœur, c'est-à-dire, la ilaha illallah et tous les actes, le zikr, lecture du Coran et tout ça, c'est partie de la parole de la langue, et qawl al-qalb, c'est-à-dire, la croyance et les actes d'adoration qu'on fait dans notre cœur et tout ça, ça c'est qawl al-qalb, ça veut dire la parole, ça implique la parole de la langue et du cœur. Et quand ils disent al-amal, c'est-à-dire, l'action de la langue, l'action du cœur et l'action des membres de notre corps. Donc ça c'est un peu ça. Et parfois il y a d'autres ulama, l'Ahl Sunna, ils disent al-iman qawlun wa amal wa atiqad. Donc ils ont d'autres, différentes façons de l'expliquer, mais ça se résume toujours au même principe, c'est-à-dire que ces trois choses-là sont impliquées. La croyance dans le cœur, les paroles et les actions, tout ça, ça entre dans la définition de al-iman. Puis par la suite, il y a ceux qui ont dévié dans l'autre extrême que celui des murji'a, c'est-à-dire les khawarij. Et eux, les khawarij, ils ont dit que lorsqu'une personne commet un grand péché, une kabira, il sort de la foi en entier. Parce que pour eux, la foi, c'est une seule chose. Si tu en manques une, si tu manques une de ces actes, une de ces choses-là, alors tu sors de la foi. Donc, pour eux, n'importe qui fait un grand péché, il devient kafir. Et ça, c'est, et ils disent qu'il est mukhallab fil nar, il croit qu'il est dans l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est un des groupes qui a dévié parmi les premières sectes d'égarement qui ont dévié ou qui se sont séparés du corps des musulmans. Et Ali ibn Abi Talib les a combattus à son époque et il continue à sortir de temps à autre à travers l'histoire de l'islam. On va arrêter ici, puis on continuera la semaine prochaine, inshallah, parce que là c'est l'heure de la prière, donc on va s'arrêter. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.